Grand vent, les ondes brumeuses s'épanchent, agissent comme des cure-dents agrafés sur ta tronche. Pas un pas, pas un geste, haut les mains, bas les pattes, y'en a bien le Strong West. Ça tabasse à coups de batte, tu essaies mais puissant, pas trop concupiscent. Ils n'ont qu'une seule passion, la piquette du baron. Tu essaies, paye content, il n'est jamais content. Il bug dissonant et aussi trébuchant. Puis tu es Manatole et puis il te déteste. Pire que Georges Abitbol, il te bouffe comme la peste. Son courrier éclate, plus choc qu'un Panini. La violence du squamat égale sa vie et dans un contexte vicié, les aristocrates officient. L'ambiance est épicée quand ils vident leur vessie. C'est la fête des bouchons, le royaume des gourous. L'alcool coule à foison, ils le pompent comme des poux. Une marquise à prospère dans la rue de Cher Vitré. Le baron fanfaronne, le titille à la chartreuse. C'est pas qu'elle soit bonne, mais qu'est-ce qu'elle tacle la gueuse. Si l'argent n'a pas d'odeur, la crasse en a bien une. Du SM sans le beurre, tartiner sur ta lune. Comme la bande de Gaza, le QSM obscène dégage comme Zavata.